Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu en as marre des années 80? Ouais. Est-ce que tu en as marre des rôles de merde? Oui. Est-ce que tu aimes Tom Cruise? Oui. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Thank you, man. Does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Don't be funny. Don't be funny. Don't be the money. Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood et qui pour cela s'est mangé un gros paquet de mauvais films malgré la présence de Tom. Aujourd'hui, nous sommes en direct depuis Sainte-Gabelle avec un groupe de masochistes venus nous écouter raconter des conneries avec le plus de mauvaise foi possible. Mais on est surtout là pour fêter la fin de la première saison. Yeah baby. Alors, Serena, comment ça va ? Ça va. C'est bizarre d'avoir plein de gens là, là. Mais oui, d'habitude, il n'y a personne. On est dans le salon, on est bien. Ouais. Bon. Ah là là. Les années 80, les années 80, les années fleurs, les années paillettes, les années néons. Fumées. Les années fumées. Lunettes de soleil. Les Ray-Ban. Ray-Ban. Et les années, le début des années Tom Cruise. Ouais. Les années qui, on l'espère, ne s'arrêteront jamais. Et Tom Cruise est immortel. Oh. Mais si à un moment le mec il peut aller sur la lune, il peut devenir immortel. Tout à fait. Parce que je sais pas si vous savez, mais en fait ça va être le premier comédien à jouer sur la lune, dans l'espace. Oui, c'est un truc de ouf. Bravo, bravo. Ah, Tom. Oui. Merci Tom. Gagner un Oscar peut-être. Oui, parce que Tom n'a pas d'Oscar. Ouais. Pas encore. Mais on pas se encore. Moque pas de Tom qui a pas d'Oscar non plus. Ça va, il y a des gens très bien qui n'ont pas eu d'Oscar. Bah oui. Voilà. En plus, il était complètement offusqué par les gens qui font les Oscars. Bon, bref. Voilà. Bon, premier scandale. Alors, Serena, les années 80, comment tu les as vécues? Bien, pas bien, moyen, bien? Alors, j'ai commencé très mal. Très mal, ouais. Très mal. Si on fait une météo, on va faire orage. Orage, brouillard. Pluie éparse. Éparse. Petite pluie. Soleil. Soleil, grand soleil. On a fini avec un grand arc-en-ciel. À la fin, c'était très bien. Les derniers deux films qu'on a fait, c'était vraiment... La crème de la crème. Très, très bien. The top of the top. Mais avant, il y a beaucoup, beaucoup de bouses qui sont passées. Des torrents de boue. Ouais, mais pas la faute de Tom Cruise. Hein. Non, attention. Jamais. C'est jamais la faute de Tom Cruise. C'est les scénarios qui étaient vraiment très, très, très mauvais. Oui, parce qu'on peut le dire, elle a commencé avec des choses qui sont assez typiques années 80, avec des valeurs... qu'on partage pas vraiment, c'était pas joli joli, hein. C'était sexiste, machiste, raciste, globalement. Oui. Les premiers films, c'est vraiment ça, quoi. À part le tout premier, enfin Taps, qui est une espèce de parenthèse un peu. Hein. Ouais, c'était son premier rôle. Ouais. Ouais. C'était un film plutôt intéressant qu'on avait bien aimé. Ouais, beaucoup. Ouais. Oui, oui, oui. Voilà. Mais après, ça fait une petite vague descendante. Creux, parce que raciste, très misogyne, tu vois, vraiment très très bas. Alors que nous, on avait décelé chez Tom cette espèce de hargne, de qualité de jeu, etc. Et ensuite, direct, bam, il fait des trucs tout pourris. Ah ouais. Fauché en plein vol. Il ne pouvait pas choisir quelque part. Et oui, après, ceci dit, on a quand même, sur les années 80, en même pas 10 ans, c'est fulgurant quand même. Grave. Dites-moi un autre comédien qui a fait une carrière aussi fulgurante rapidement. En 10 ans, quoi. Dites, il y a quelqu'un. Hein. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. Hein. Ah bah voilà. Et surtout avec des réalisateurs assez incroyables. Ah bah oui, deuxième film, Francis Ford Coppola. Boum. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un mec qui fait des films bien. Bon, il a un tout petit rôle, mais bon. Ouais, c'est, mais pas grave, il a, c'est pas il a grave. Tourné avec. C'est pas grave. Après, il a tourné par contre avec des mecs un peu obscurs qui ont fait des trucs très mauvais. Attends, il a fait Scorsese, Ridley Scott. Tony Scott. Bon, Barry Levinson. Ouais. Bah, oui, Good Morning Vietnam, c'est un mec connu quand même. C'est vrai. Oui. Bon, alors du coup, est-ce que pendant toutes ces années 80, on a commencé à définir un peu un modèle Tom Cruise, une icône qui arrive et... T'as des idées? Bah, ouais, bien sûr. Bah, déjà, bah, on a quand même sur fort. Non, mais c'est... Bon, on va arrêter de dire qu'il est trop fort, c'est un argumentaire un peu sérieux. Déjà, présence scénique, moi je dirais, présence à l'écran. Une physicalité. Vous n'avez pas vu, dès le premier film, il a un regard de ouf parmi tous les comédiens avec qui il est. Il est vraiment très, très, très perçant. Il est magnétique. Il est magnétique. Et puis, prestance physique. Oui. Il a improvisé des danses. Franchement, vous allez voir toutes les choses qu'il a improvisées, c'est assez incroyable. Et il est fou, quoi. Et oui, c'est mais ça. Dans le bon sens, c'est pour ça. L'instant. Mais c'est ce que nous, on aimait bien dans les premiers films, c'est qu'il était un peu frusque, mais un peu incontrôlable. Et du coup, ça donnait des rôles qui étaient quand même toujours assez rigolos. Trop bien. Mais après, il a quand même il y a eu Risky Business, où là, ça commence à partir vers c'est juste un beau gosse à la gloire du capitalisme. Ouais. Et ça se questionne. Ouais. Puis après, il représente les États-Unis. Les années Reagan, si tu veux, une icône, c'est pas compliqué. Il est beau, il est self-made man. Yeah. Il est très patriote, il bosse, il a quand même, sur les années 80, il fait 3 rôles de militaire. 4 oui. Je sais plus. 3. 4 si on ah compte oui, que 4 dans Cocktail, Cocktail il au de, début, de il est militaire. Il est militaire ou il est businessman ou étudiant parce que il y a un moment il est un peu jeune mais. Et une des répliques les plus connues de tous les films, je veux dire, il le dit assez souvent, c'est « je veux faire de l'argent ». Oui, c'est un peu... Dans plein de films, et son but dans la vie, c'est gagner beaucoup d'argent. Est-ce que ce n'était pas le but de l'Amérique dans les années 80 ? Je me demande, oui, sûrement. Est-ce que quelqu'un était là dans les années 80 aux États-Unis ? Je sais pas. Personne. Bon. Mais sûrement. Du coup, c'est vrai que ça colle un truc quand même sur un personnage... Il va avoir du mal à s'en détacher, même si on l'a vu avec le dernier film des années 80, donc né un 4 juillet, où on sent qu'il essaye de jouer autre chose. Virage. Il veut aller à contre-courant de ce vers quoi on l'emmène, donc à savoir juste un sex symbole qui joue et dont tout le monde se fout de comment il joue, mais juste parce que c'est Tom Cruise, ça fait lever les foules et ça suffit. Et ça fait vendre en fait. Ça fait très très vendre. Et... Il a fait 4 gros films avec des budgets assez incroyables. Des budgets serrés et des revenus. Des revenus incroyables. Et oui, parce que juste en reprenant rapidement Top Gun, donc le premier succès c'était Risky Business, il fait 63 millions au box-office. Ouais. Mais c'est pas tout. Parce qu'après, avec Top Gun, il fait 360 millions. C'est beaucoup, hein. Ça c'est beaucoup. C'est 6 fois plus. Et il a coûté quoi ? Il a coûté 15 millions. C'est quoi ? C'est 15 millions, c'est quoi ? Franchement, c'est rien. Après, il a fait Cocktail, ça rapporte 171 millions, alors que c'est un film pourri. Oui. Comme quoi, croyez en vos rêves. Et aussi Rain Man. Rain Man, 412 millions. C'est incroyable. C'est génial. C'est la rubrique économique de notre émission. On est capitaliste, quelque part. On s'adapte. Ouais. On s'adapte. Et né un 4 juillet. Né un 4 juillet, 161 millions. Toujours pareil pour des budgets entre 15 et 20 millions, c'est quand même c'est rentable quoi. Du coup, c'est vrai que derrière, Tom Cruise, en gros, c'est l'acteur bankable, l'acteur rentable. Tu sais que tu le mets dans un film, t'as 200 millions facile qui va marcher. Donc ça vaut le coup. Du coup, son salaire, on va voir dans les années 90, ça va monter. Ouais. Déjà là, il est bien payé quand même. Ouais, il est payé que 3 millions. Hein. Oh, ça va. Bon, sur c'est un rien. Budget de 15, ça fait un trou quand même. Voilà. Un certain. La grande question, parce que c'est notre question depuis le début, quand on a créé le podcast, on s'est dit, on veut prouver au monde entier, qui est ignorant par essence, que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood au sens star d'Hollywood. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que c'est une star d'Hollywood. Tom Cruise, c'est le dernier. Une star, c'est lui qui représente au mieux. C'est Hollywood. C'est quelque c'est chose dieu, quoi. C'est inatteignable. C'est une star, une étoile. Tu peux pas tester. Il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Et du coup, on s'est posé ça. On s'est dit, on va essayer, on va refaire tous ces films, on va se regarder tous ces films. Donc, alors forcément, au début, on était super contents. On en a regardé 3, on s'est dit, ça pique. mais on s'est dit, mais on va y arriver, on va montrer que Tom Cruise, c'est la dernière star d'Hollywood. Du coup, à la fin des années 80, c'est pas encore la dernière star d'Hollywood, parce qu'il n'a pas fini sa carrière, il est encore loin d'être au top du top. Mais il n'est pas loin. Est-ce qu'on commence à percevoir un peu des choses qui font que on voit bien en fait la trajectoire pour qu'il devienne la plus grande star d'Hollywood. Déjà les films qui marchent, je pense c'est déjà oui, ça part bien. Il a quand même sauvé Ray-Ban. On le dit pas suffisamment, mais en fait les mecs, il a porté des lunettes dans un film, il a sauvé une boîte. C'est quand même un truc de fou. Non mais tout le monde connaît Ray-Ban, mais c'est grâce à Tom Cruise. Il faut pas tu vois. Mais c'est vrai. Il a sauvé aussi l'Air Force. Parce qu'en fait, l'Air Force, l'armée, il y avait du recrutement, mais c'était pas ouf, tu vois. Top Gun, et bah, le lendemain, les inscriptions, fois, je sais plus combien, fois 6. Non, plus. Plus fois 10, je sais plus, c'était énorme. Écoutez l'épisode 150, je crois, pour 100. Ouais, c'était énorme. C'était énorme. À tel point qu'à la sortie des salles, il y avait des cabines recrutement Air Force. Parce que les jeunes mecs arrivaient et c'était comme des dingues. On n'est pas pour, hein. Mais il a fait ça, tu vois. Il a juste fait un rôle dans un film, c'est quand même. Le mec, il sauverait Ban, ok. Après, il se dit, oh, je vais sauver la Air Force. Sérieux ? C'est fou, quoi. Et après, si, il y a d'autres trucs. Pourquoi il y a un star dans Hollywood ? Je ne me rappelle plus. si, il n'est pas encore, de toute façon. Non, pas après, encore. Il est mais très, déjà... très vite monté, il est très vite iconique, en fait. Et il a un peu encore Alors après, on n'a pas trop parlé cette année, mais il y a aussi un petit peu cette aura un peu secrète. On ne sait pas trop, en fait, sa vie privée. On sait qu'il se marie avec Mimi Rogers, fille de producteur et actrice assez mauvaise, et qu'il l'introduit à la Scientologie. Mais c'est pas encore mais la c'est pas encore trop connu, mais on ne sait pas trop grand-chose sur lui. Et c'est dans les années 80 que naissent les rumeurs sur, en fait, peut-être que en fait, Tom Cruise est homosexuel. Mais on ne saura jamais. Donc c'est aussi l'aura de mystère autour d'une star hollywoodienne. Ça fait partie des attributs. Et aussi, sur la fin des années 80, il a déjà fait les tournages parce qu'il pouvait se contenter d'être beau gosse et jouer des rôles un peu bœuf. Et il a fait deux films où il a complètement transformé son image. Et déjà, à Top Gun, on lui a demandé pendant des mois et des mois de refaire Top Gun 2 parce que c'était tellement un carton qu'il voulait. Il a refusé pour ne pas rester... dans ces rôles-là, un prisonnier là-dedans. Et il a fait d'autres films, il a choisi des films quand même, à part Cocktail, à part. Mais il a sauvé aussi les barman jongleurs. Ah oui. Parce que maintenant, on dit, non mais c'est vrai, il y avait une université, une aux États-Unis, je pense, où il est allé. Et après, depuis, tout le monde a ouvert des bars où tout le monde fait jongler. Je sais pas si on le remercie trop, parce que c'est à cause de lui qu'il y a tous les barman un peu relous qui se sont mis à jongler. C'est trop cool. À draguer tout le monde. Alors que c'est nul, en fait. Tu viens demander une bière, tu veux pas 3 heures de jonglage. Ouais, j'avoue. Bon, mais bon. Il peut rater aussi. Oui, après, voilà, ça partait d'une bonne intention. Mais tout ça, je sais plus, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Voilà, on avait promis que ce serait décousu, bah ça l'est. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on rajoute encore des. Ou est-ce que c'est assez clair, en fait, que voilà, les années 80, ça reste quand même une réussite pour Tom Cruise? Bah, c'est moi, je trouve que c'est une grande réussite. Bah, surtout les derniers films, Né un 4 juillet, on vient de le voir. Et c'est. Là, ça fait bam, bascule. Les mecs, il est moche. Il est désespéré, il n'est pas cool, il est humilié à l'écran tout le long. Il s'est infligé d'être un fauteuil roulant pendant tous les tournages. Et il a complètement basculé, il a joué les rôles d'un mec, un vétéran du Vietnam qui retourne aux États-Unis. Il est ridiculisé, traité horriblement. Et qui devient anti-guerre. Après avoir fait Top Gun, le mec il va faire un film anti-guerre, en fait. C'est quand même... Il prend des risques directement. C'est en fait sur une décennie... Il se fait très très vite connaître, il fait des gros succès et en plus il veut de suite remaîtriser sa carrière en tournant aussi avec des grands réalisateurs quand même. Donc ça forge, peut-être c'est ça aussi qui fait que ça forge vite son caractère de contrôle fric un peu aussi. Mais... Ouais, parce qu'il produit aussi. Il va commencer à produire plus tard, mais oui, c'est vrai. Il va contrôler. Voilà. Okay. Vous êtes convaincus ? Non, pas trop. Non, pas mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Mais du coup, tant qu'on vous tient que vous êtes un petit peu chaud, on va faire un quiz. Oh, attention. Oh, attention, il faut que je retrouve mon bouton du quiz. Vous êtes prêts pour le quiz ? Ouais. Quiz. C'est beau. Merci, Paula. Ça a été fait en 30 secondes. En fait. Ah non, c'est trop bien. Voilà. Alors, il nous faut deux volontaires pour faire du quiz. Ah, deux volontaires. Tu veux pas balancer comme ça au public Ah non, on fait un battle à 1 contre 1. Ah, battle. Battle 1 contre 1, il y a un total. Non, mais gagner. C'est un quiz simple. C'est... Bah, allez, peut-être on peut dire d'abord les quiz. Je donne le contexte du quiz. C'est en gros, je vais donner des noms d'acteurs et d'actrices des années 80. Il va falloir me dire s'ils sont plus jeunes ou plus vieux que Tom Cruise. Mais c'est super vieux. Ouais, c'est très simple. Franchement, c'est simple. T'as une chance sur deux. Tu en plus. Peux dire, au pire, tu te rates, c'est pas grave, et tu gagneras pas un super stickers. C'est pas grave. Ah non, le perdant, il gagnera notre estime. Les gars... Putain, là, déjà, la barre est haute. Ah, ça va, vous allez un peu vous impliquer quand même. Ah non, parce que sinon, je suis obligé de faire le quiz à Serena. Ah. Du coup, elle va se rater et ça a craint parce qu'après, on passe pour des blaireaux, quoi. Allez. Ah, yo. Allez. Ah, allez. Trop cool. Eh ben, ça merci. Attendez, je vais faire. On va mettre mon monter micro sur peut-être. Scène. Faut monter sur scène. Bah, vas-y, peut-être prendre ma place, j'enlève la bonnette. Oui. Allez, chacun un micro. C'est du direct live. Petit bruit de micro. Vous pouvez monter sur le deuxième micro. Voilà. Salut. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous ? Patrick. Bonjour, Patrick. Bonjour, Paulin. Merci. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Hélène. Ah, allez-y, reparlez dans le micro, s'il vous plaît. Si, ça marche. Eh oui, super, merci beaucoup. Alors, Hélène et Patrick. Vous aimez Tom Cruise ? Non. Ah bah. Patrick a perdu, on applaudit. Super, sympa. Allez, je prends des scores. Alors, je vais vous faire chacun votre tour. On démarre avec Hélène. Donc, je donne un nom d'actrice ou d'acteur, plus jeune ou moins jeune. Enfin, plus jeune ou plus vieux, enfin voilà. Il faut dire plus jeune ou plus âgé. C'est ça. Que Tom Cruise. Oh, je ne sais même pas quel âge il a, mais bon. Ok. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Un tout petit peu. Alors, Meryl Streep. Plus jeune. Eh non, elle est plus vieille. Ah ouais. Winona Ryder. Plus jeune. Plus jeune. Un point pour Patrick. Hélène, John Travolta. Plus âgé. Oui, un point pour Hélène. Patrick, Arnold Schwarzenegger. Plus âgé. Il est plus âgé, un autre point pour Patrick. Hélène, Alec Baldwin. Oh, plus âgé. Oui. Patrick, Josh Brolin. C'est qui lui ? C'est ballot. C'est qui ? Plus jeune. Plus jeune, quelle chance. Hélène, Kevin Bacon. L'inventeur du jambon. Meuble. Ah, ça hésite. Il n'y a pas le même âge, genre. Plus âgé. Plus âgé, tout à fait. Un point pour Hélène, bravo. Patrick, Kevin Costner. Plus âgé. Plus âgé, bravo Patrick. Hélène, Bruce Willis. Oh, plus jeune. Et non, plus âgé. Ah bon. Oui, ben, on en apprend tous les jours. Patrick. Val Kilmer. Plus jeune. Et non. Ah merde. Pardon. Hélène, Robin Wright. Plus jeune. Oui, plus jeune. Hélène reprend la tête. Patrick, Eddie Murphy. C'est chaud. Ah, il n'y a pas le même âge, quoi. Il n'y a pas plus égal. Tu peux essayer, mais ça ne marchera pas. Ça marchera pas. T'aurais dû mettre un sablier. Ouais, t'aurais dû, parce que là, je peux rester des plombs. Ouais, je fais gagner. Allez, Eddie Murphy. Plus âgé. Plus âgé de 1 an, eh oui, bravo. Wow. Hélène, Michael Keaton. Plus jeune. Et non, plus âgé. Ah bon. Patrick. Oui. Michael J. Fox. Plus jeune. Et non. Sérieux ? Plus âgé, eh oui. Non. Si, j'ai les dates. D'un an. Ah oui, un an, oui. Alors, Hélène, Sigourney Weaver. Ça souffle dans le public. Ah, c'est chaud. Oui, plus jeune. Et non, plus âgé, oh. Et puis pas qu'un peu. Ah oh non, alors la Suisse, 60... Oui, elle a Patrick. Passé de 60 ans. Paulin. Dennis Quaid. Plus âgé. Oui, plus âgé. Hey. Hélène, Bill Murray. Oui, plus âgé. Oui. Bravo. Tu l'as fait au pif ou tu suis la liste là ? J'ai une liste. Ah bon. Patrick, Johnny Depp. Ils le disent. Bah non, mais c'est toi qui réponds. Plus jeune. Plus jeune, c'est le point. Oui. Hélène, Whoopi Goldberg. Plus âgé. Oui, c'est serré, il y a égalité. Patrick, Richard Gere. Plus vieux. Oui, plus vieux. Hélène, Nicolas Cage. Plus jeune. Oui, plus jeune. Oh là là, mais ah ouais, on a des champions. Wow. Patrick, Forrest Whitaker. Chaud. Et attends, c'était beau, c'est chaud. Hein, ouais, Forest Whitaker. Il est vieux, mais je suis sûr qu'il est plus jeune. Et non, il est plus vieux. Ah ben ouais. Hélène, John Cusack. Plus jeune. Oui. Patrick, Mel Gibson. Plus vieux. Plus vieux, tout à fait. Hélène, Mickey Rourke. Plus jeune. Et non, plus âgé. Patrick, Sean Penn. Le public, ouais. C'est... Ouais, plus âgé. Sean Penn plus âgé, tout à fait, c'est le point. Hélène, Matthew Broderick. Comment? Matthew Broderick. Plus jeune, ouais. Et non, plus âgé de 2 mois. Oh. Il y en a combien là comme ça là? Il en reste 2-3. Patrick, Demi Moore. Plus jeune. Plus jeune de 2 mois. Ouais, ça se voit. Hein. Hélène, Jodie Foster. Plus jeune. Plus jeune de 2 mois aussi. Allez, Patrick, Nicole Kidman. Mais là, attention, c'est plus âgé. Plus âgé. Et non, elle est plus jeune. Et c'est terminé. On applaudit nos concurrents. Et vous donnez le score quand même, parce que je sais pas. Vous savez pas. On s'en fout, hein, qui a gagné en fait. En vrai. En vrai, on s'en fout parce que vous aurez tous les deux des stickers et tout ça. Ouais. Mais c'est Patrick qui gagne d'un point. On vous applaudit. 11 à 10. Bravo. C'est merveilleux. C'est magnifique. Je remets le jingle du quiz pour le plaisir. Merci. Madame Lingette. Alors, je sais plus où j'en suis, je suis perdu maintenant. Bravo en tout cas, hein. Ouais, bravo. Incroyable. Il y avait des pièges un peu quand même. C'est pas si... Ouais, mais il y a quand même un mois de différence, c'est pas plus vieux ou plus âgé, c'est même année. C'est plus vieux ou plus âgé. Bon, ok. T'es une minute d'avance, une minute de retard, c'est pareil. Oui. Mathématiques. Oui, pardon. Bref, bon. Et du coup, alors pour info aussi quand même, parce qu'on a parlé de d'âge, Tom Cruise, son anniversaire c'est demain. Ouais. C'est la fête. Il fait 59. 59 ans. Il est en forme encore, hein. Il est beau, hein, pour 59 ans. Impressionnant ça. Ouais. C'est impressionnant. Hein, vous êtes. Hein, donc là, demain. Là, vous commencez à aimer. Mais il n'est pas trop tiré. Peut-être il a fait du botox, mais sûrement même. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Mais on le voit plus fatigué dans les derniers films. Oui, mais il le joue, c'est ça qui est beau. Mais oui, mais tout à fait. Il est trop. Non, mais... Il se moque dans ce public. Mais non, mais on est sérieux, nous. Ouais, nous, on est très premier degré. Bref. Alors là, on a une petite rubrique sur quel film il aurait dû faire, quel film il aurait dû pas faire, etc. Oui. On a réfléchi un petit peu. On s'est dit, sa carrière est-elle encore plus, aurait pu décoller peut-être plus s'il avait fait des meilleurs choix. En vrai, dans les années 80. On sait qu'il a fait que des bons choix, mais quand même, il a quand même 2-3, un truc. Il y a des tâches. Du coup, Serena, pour toi, quel est le film qu'il n'aurait pas dû faire? Los Init. C'est une personne grosse. L'a mais personne l'a vu, mais personne l'a vu dans les mondes. En fait, nous, on l'a vu pour les podcasts. On a galéré à le voir déjà. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment, je pense, un des pires films que j'ai vu de toute ma vie. Vraiment. Ah, il joue. Toi, bon. Très, très, très raciste. Oui, très, très. Très, très, très misogyne. Très, il y a, très, pour très. Dire, c'est trois jeunes américains qui vont au Mexique pour perdre leur virginité. Déjà, les pitchs, ça commence pas très bien. Et un des trois, il va acheter quand même une drogue pour droguer une meuf pour pouvoir coucher avec elle. C'est quand même horrible. Et c'est pas vu comme une chose si négative que ça. C'est... Ah non, c'est une comédie en plus. C'est une comédie, c'est drôle. Voilà. Non, c'était pas drôle du coup. Et après, Tom Cruise, il joue très très mal. Il a rien à faire en fait. Il passe son temps à être gêné, à faire « Ah, je suis gêné ». C'est chiant. C'est nul. Et il a une copine qui s'énerve parce qu'il veut aller perdre sa virginité au Mexique. C'est normal. Mais c'est normal. Tu vois, il dit « Oh, quand même, cette fille, c'est chiant ». Donc ça, c'était nul. Clairement. Ouais. Après, alors, moi, pour moi, c'est pas forcément celui-là qu'il aurait pas dû faire parce que celui-là, personne l'a vu. Donc, c'est pas grave. Non, mais je sais qu'est-ce que tu veux dire, mais on n'est pas d'accord, Paulin. Ah bon ? Non. Ah non, figure-toi que non. Je pense pas qu'on parle du même. Ouais, vas-y alors. Parce qu'en fait, Serena, elle attend que je dise Legend. Mais je vais pas dire Legend. Mais moi, j'aime bien Legend. Non, je pense qu'il aurait jamais dû faire Cocktail. Ah oui, je suis d'accord aussi. Oui. Ouais, parce que Cocktail, ok, ça a rentré plein d'argent, etc. Mais ça l'a enfermé dans une case de séducteur un peu naze qui fait sauter des bouteilles de Bacardi. Et en plus, il n'a pas grand-chose de bien à jouer. C'est quand même un film absolument horrible où tous les gens prennent que des très mauvaises décisions. Il est aussi très très sexiste et raciste. Oui. C'est un point commun avec Lousinit. On espère que pour les années 90, c'est fini. Cette phase, je sais pas. Mais voilà. Et du coup, je pense que s'il avait pas fait Cocktail, il aurait été peut-être moins catalogué. Il aurait plus facilement pu. C'est une belle réflexion. T'as raison, j'avoue, je me suis relancée à l'impulse. Quoi. Mais Cocktail, au moins, il s'est critiqué sur la fin, cette attitude misogyne. Pas les racismes, bon, il ne se rendait pas compte. Critiqué de ouf quand même. Sa dernière réplique, c'est de dire si j'ai une fille, si j'ai un garçon, tu tiendras le bar comme papa, et si j'ai une fille, tu traînes pas avec des mecs comme moi. Ouais, c'est vrai. C'est nul. Le mec, il a compris qu'il était. Bref. J'avais oublié cette. Quelle catastrophe. Mm. Mais voilà. Du coup, par contre, il y a des films qu'il aurait pu sauver. Un film en les années 80 qui n'a pas marché. Si Tom Cruise avait joué dedans, difficile. Il aurait sauvé le film. Mais ça marche avec tous les films en vrai. Il aurait joué dans tous les films des années 80, tous les films auraient été un carton. Ce qui aurait posé un problème, parce que quand t'as deux films en même temps, enfin bref, t'as compris. Du coup, Serena. Ah non, je dois commencer encore. Ah, je commence. Vas-y. Ben moi, alors là, ça va être. Je pense qu'il aurait dû jouer dans Big à la place de Tom Hanks. Ah, j'ai pensé aussi. Et là, normalement, tous les fans de Tom Hanks doivent me tomber dessus. Je déteste Tom Hanks. Mais pas. What? Non, mais après, ça va, c'est pas genre. Je lui voue une haine absolue, tu vois. Mais je trouve que c'est naze, quoi. Et dans Big, c'est naze, c'est mou. C'est comme un film avec un flan. Tu vois l'idée ? C'est nul, du coup. Alors que si t'aurais eu Tom Cruise, ça aurait fait... Parce que c'est... Donc, Big, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un gamin qui, un matin, après avoir fait un truc une fête foraine un peu chelou, il se retrouve dans le corps d'un adulte, mais il a toujours son esprit d'enfant. Et ce corps d'adulte, c'est Tom Hanks. Bon, déjà, t'as les boules. Bah, si, Tom Hanks, merci. Et en fait, voilà, donc il a des réactions. Alors, après, un truc super chelou, c'est que donc c'est censé être un enfant de 8 ans qui, dans le film, va coucher avec une femme d'âge mûr et tout le monde s'en fout. C'est trop chelou. C'est chelou. Mais c'est les années 80, donc les années 80, on avait le droit d'être chelou. Ok. Non, mais c'est vrai, ça passe. Et du coup, tu vois, t'aurais eu Tom Cruise dedans, ça aurait fait un autre caractère au gamin. Mais il était trop jeune. Mais non, ça passe largement. Là, le caractère de Tom Hanks, c'est mou, du coup, c'est. Ah, il est gentil. C'est un enfant qui est gentil. Mais alors, un enfant, c'est pas toujours gentil, voire c'est jamais gentil. Ah, peu, rarement. Ta critique sociale. Non, tu vois, t'aurais eu Tom Cruise à la place, ça aurait été un gamin un peu turbulent, ça aurait été plus nuancé. Et voilà. Du coup, moi, j'étais sur ça. Mais après, en vrai, ça a été un carton Big, donc c'est pareil, il aurait pas sauvé beaucoup plus. Mais ça aurait été plus intéressant. Ah, il l'aurait sauvé pour toi. Pour moi, il l'aurait sauvé. Mais après, j'avais, tant qu'à faire, j'avais noté aussi Splash, toujours avec Tom Hanks, parce que c'est nul. Et j'avais noté Turner et Hooch parce que c'est Tom Hanks avec un chien qui fait des enquêtes policières. C'est naze, mais avec Tom Cruise, ça aurait été classe. Voilà. Ah ouais. En gros, c'est tous les Tom Hanks. Mais non, mais après, c'est ce genre de mec qui pique des Oscars à Tom Cruise. Et moi, je suis désolé, on n'en veut pas. Et c'est un autre Tom en plus. En plus, c'est un autre Tom. Et si tu fais un Tom Battle, franchement, Tom Cruise, c'est gagné. En un contre un, c'est fini. Ah bah, c'est sûr. Alors, Serena, du coup. Alors, moi, je voulais faire une spéciale dédicace à Marie qui m'a conseillé ces films il y a quelques temps. Ça s'appelle À la poursuite du diamant vert. Oh là là, c'est trop nul à chier. Merci, Marie. Elle s'est trompée. Elle voulait pas me conseiller celui-là. Elle s'est trompée des films. Je l'ai vu avec des copains en disant ouais, c'est trop bien, années 80 avec Michael Douglas. Oh my god. C'est une romancière qui doit aller chercher et amener une carte pour sauver sa sœur qui a été kidnappée en Colombie. Déjà, ça commence super bien. Elle se trompe. Elle se trompe des trains ou de bus. Elle se retrouve dans un autre endroit. Elle s'est fait poursuivre par un policier trop chelou. Elle s'est fait sauver par, je l'ai noté, Jack Colton, Michael Douglas, qui est vraiment... horrible, qui fait un peu le Indiana Jones mais mal fait. Indiana Jones, de chez Lidl. Voilà, c'est vraiment trop moche. Il y a du saxophone tout le long. Les années 80. Mais les années 80. Mais oui, mais là c'est plus. Oui, franchement, grosse bouse années 80. Je le conseille. En plus c'est 84, donc on est en plein milieu. Bref, je pense que John Colton, il aurait été mieux amené à l'écran par Tom Cruise. qui aurait pu faire quelque chose dans ces films. En plus, les réalisateurs, il est trop bien, c'est Zemeckis. Oui. Et il aurait pu faire un truc trop bien. Je pense que la faute est à Michael Douglas. Oh, voilà. Ça balance. J'accuse. Allez. Voilà, on a deux cibles maintenant. Tout le monde, que c'est Michael Douglas. Bah, d'ailleurs, je l'aime pas. Ah, tu l'aimes pas ? Non, pas du tout. Bien. Non. Après, moi, j'aime bien La Poursuite du Diamant Vert. Il y a un côté kitsch. Bah oui, d'ailleurs, toi aussi, tu nous l'avais cassé. Ah ouais, bah, vas-y, oui. Regarde, bien c'est trop sûr, bien. Il faut le regarder, c'est très bien. Nul. Oh, nul. Non mais c'est vrai. Après, parce qu'il y a juste petit détail. À un moment, il s'est bataillé avec un crocodile, et à la fin du film, il est sur un yacht, un bateau, et il sort sur son pied, et il y a des boots, comment on dit, des bottes crocodile, en disant, hey, t'as vu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué les crocodiles. Voilà, c'est la classe. Ça, c'est la blague de la fin. C'est pas mal. Bof. Voilà. Ok, bon, voilà. Et du coup, voilà, non, tu voilà. Fais ton avis, pas de problème. Voilà, non. Mais... Je parle, mais... Bon. Et dans quel film est-ce qu'on aurait aimé le voir, Tom Cruise, même si on veut pas qu'il remplace quelqu'un, ouais. Tu vois, c'est comme dire on aurait aimé voir Tom Cruise jouer dans Star Wars parce qu'on aurait aimé voir faire un truc avec un sabre laser, mais ça aurait rien changé au film. Ça aurait été forcément mieux, mais on le sait, tu vois. Mais bon. Ouais. Tu veux dire, je dois commencer hein. Ouais, c'est comme tu veux. Moi, j'en ai plein. Moi, j'en ai deux. Allez, vas-y. Et c'est un truc de ouf parce que c'est toujours Zemeckis. Je les ai cherchés et j'ai découvert que les trois, La Poursuite des Diamants Verts et les deux autres, c'est les mêmes réalisateurs. Donc, moi, j'aurais beaucoup aimé le voir dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. À la place de Bob Hoskins ? Non, à la place du méchant. Ah ouais, classe. Je pense qu'il aurait fait un super méchant, ouais. Trop flippant et beaucoup moins cartoonisé. Je pense que ça aurait trop bien marché. Pas bête. Et en plus, c'est hyper physique parce que je ne sais pas si vous connaissez, c'est un de mes films préférés, j'avoue. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, les acteurs, ils doivent jouer avec des cartoons, des dessins animés. Et ils ont fait tout un parcours. En fait, ils sont entraînés pendant des mois et des mois pour pouvoir jouer sans personne à côté. Donc, ils s'est entraîné vraiment à travailler les regards et de voir dans les vides. Oui. Et c'est hyper bien fait. Il y a des vidéos sur YouTube. Les making-of sont fous de ce film. C'est dingue. Et je pense que le personnage principal, il a fait un super job, mais les méchants, je trouve pas trop. Voilà. Ouh, les méchants, c'est Christopher Lloyd. Non, mais c'est trop bien. Mais voilà. j'ai prenez dit, des notes. Poum. Ça s'appelle Serena. Non, mais Tom Cruise, ça aurait été mieux. Non, j'ai dit, c'est un de mes films préférés. Je le trouve parfait, mais j'aurais bien voulu voir Tom Cruise méchant. Et l'autre film, c'est Retour vers les futurs. Ah ouais, tu tapes direct dans le gros, quoi. Bah oui, j'aurais bien voulu le voir à la place de Michael J. Fox. Ouais. J'avoue. C'est. Je pense qu'il aurait marché. Je pense que j'aurais bien voulu le voir. Là, c'est des films qu'on aime, hein. C'est pas des films qu'on déteste. Mais j'aurais bien voulu le voir à la place de Marty McFly. Ok. En plus, personne est énervé contre ces films, alors que je trouve que c'est très. Ça part d'inceste quand même profondément. Oui. Mais c'est les années 80. C'est les années 80. 80, c'est open bar. Donc voilà, je pense qu'il aurait fait un beau travail, surtout dans les danses et dans le. À la guitare. À la guitare. Voilà. Okay. Ouais, pas mal. Bah, moi, j'avais noté parce que je m'étais dit, c'est quand même les grandes années 80, c'est les années Indiana Jones et tout ça. Donc, et Tom Cruise n'a jamais fait vraiment de film d'aventure. Du coup, j'avais noté La Poursuite du Diamant Vert. Parce que j'aurais bien aimé le voir dans un film d'aventure, tu vois, où il va vraiment faire des coups de fouet, tuer des crocodiles. Ouais, c'est fun, quoi. Ou Alan Quatermain. Mais bon, Alan Quatermain, c'est vrai que c'est quoi Alan Quatermain avec Richard Chamberlain, c'est un faux Indiana Jones, encore comme il y en a eu une tétrachée. Ah non, j'ai jamais vu. Voilà, bah ça aurait été cool. Après, j'avais un autre truc où c'était plus sur physique, le côté brut physique. Je me suis dit, s'il avait joué dans Rambo. Ah ouais, ça va trop bien marcher. Alors après, spoiler, il va faire un simili Rambo beaucoup plus tard quand il fera Jack Reacher. Parce que c'est un peu le même principe. Ah si, c'est un mec seul contre tous qui fout des patates. Oui. Et qui... Ça aurait été cool, mais bon, ça n'a pas vu. Ou Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin aussi. C'est un peu le même principe. Et après aussi dans ces trucs-là, je me disais, qui développe un peu son côté comique. Un côté... Parce qu'on a remarqué qu'en fait, il y a un super timing comique. Il est drôle. Il peut être très drôle, mais il n'a jamais vraiment fait ce choix de jouer la comédie, à part dans Tonnerre sous les Tropiques. Mais sinon, il n'a pas de rôle comique. Et en fait, nous, on est assez persuadés qu'il pourrait être bon. Et du coup, je me suis dit, il aurait pu faire le top du top. Faire l'action et de la comédie. Il aurait pu jouer dans Le Professionnel, à la place de Jean-Paul Belmondo. Et ça aurait été classe. Ah, mais ça, c'est une référence française que je connais pas. Voilà. Voilà. Et sinon, j'avais noté ça juste pour chaud. La. Ouais, mais ça aurait été classe, quoi. Ah, ouais, ah, voilà. Ça Michael J. Fox, non. Belmondo, oui, quoi. Tu vois l'idée un peu ? Ah, voilà. C'est pas trop c'est con non plus. Et après, le dernier truc, c'est je me disais, à la place de Legend, où il passe son film à quatre pattes à rien faire, il aurait pu jouer dans Greystoke, parce que c'est le même rôle. C'est quoi ça ? Greystoke, c'est Tarzan, avec Christophe Lambert. Ah, oui, grave. Oui, mais ça, il l'aurait sauvé quand même. Ouais, ça a marché, hein, Greystoke. Ouais, bon. C'est pas ouf, mais. C'est pas ouf. Voilà. Très bien. Bon, bah voilà. Vous êtes très conservateur, je trouve. Ouais, vous aimez pas le changement, c'est ça ? Je me sens très jugé. Bon, allez, bon. On se refait un quiz. Ouais. Attention, parce que là, c'est il le. Il faut du public, du coup. Ouais, il nous faut du public, je lance le quiz. Quiz. Quiz. Quiz. On a un contrat, on est obligé de refaire le. Allez, deux personnes. Attention, ah, aussi, je vous donne quand même le thème du quiz. Attends, je dois aller remonter. Attends, je sais plus où il est. Ah oui, ça s'appelle Tom Cruise, Vera Cruz ou les deux. C'est pas très compliqué, c'est je pose une affirmation. Vous me dites c'est Tom Cruise, c'est Vera Cruz ou c'est les deux. Honnêtement, t'as pas besoin d'avoir vu toute sa filmographie. Alors, qui c'est qui est chaud pour Tom Cruise, Vera Cruz? Après, si tu connais parfaitement Veracruz, c'est une ville au Mexique. Il n'y a pas de rapport, c'est pas grave. Je te dis un truc, tu me dis c'est Tom Cruise ou c'est Veracruz. Ah, si oui. Je te dis je suis une ville. Tom Cruise. Bon, ok, ça va être compliqué. Allez, deux personnes volontaires pour aller Veracruzer. Oula. J'ai pas de musique genre Rocky, tu vois, ça aurait été pas mal. Ah oui. Alors, asseyez-vous, s'il vous plaît. Mademoiselle, présentez-vous. Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Mademoiselle, présentez-vous. Colline. Bonjour Colline. Bonjour. Vous aimez Tom Cruise ? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Pardon. Alors, on va démarrer. Alors, attends, il faut que je trouve un truc pour noter. C'est le bazar ici. Oh, je vais trouver, regarde. Hop. Donc, nous avons Colline et Amélie. Alors, donc, je répète les règles, c'est très simple. J'énonce une situation, vous me dites c'est Tom Cruise, c'est Vera Cruz ou c'est les deux. Il n'y a pas de piège. Enfin, s'il y a des pièges, ça on verra après. Alors, on va commencer avec Amélie. Oui. On me voit dans des films. Bah, les deux. Oui, les deux, bravo. Colline, je suis spécialiste de la bamba. Les deux. Et non, le Vera Cruz. Ah, il fait de la danse. Ouais, mais danse très mal en vrai. Si tu... Alors, Amélie, je suis née en avril. Tom Cruise. Et non, c'est Vera Cruz, en 1518, dommage. Ah mais c'est vrai, oh voilà, elle est tombée dans le piège. C'est bizarre de naître en avril pour une ville, non ? Bah, elle a été fondée en avril. Ah. Oui, je triche un peu, c'est un quiz un peu malhonnête, hein. Vous êtes prévenus. Alors, Colline, je suis plutôt en forme pour mon âge. Les deux. Et oui, les deux, bien sûr, Vera Cruz est une très belle ville. Alors, Amélie, je parle couramment espagnol. Ah oui, c'est pas facile ça. Je tente les deux. Et non, Vera Cruz seulement. Non, je vais aller te mettre un point, mais pas du tout. Colline, j'ai des origines irlandaises, allemandes et anglaises. Ah, hésite. Ah. Et oui, bah oui, par exemple. Ouais, mais je réponds toujours les deux. Ouais, les deux. Eh ben non, seulement Tom Cruise. Vera Cruz, c'est des origines espagnoles et françaises. Ah. On apprend des choses en plus. On apprend en s'amusant. Ouais. Amélie, je pèse lourd dans l'économie de mon pays. Je dirais les deux. Et oui, les deux. Ça marque pas beaucoup de points quand même, tout ça. Alors, Colline, Nicole Kidman me connaît très bien. Oh. C'est nul, hein. Tom Cruise. Oui. Alors, Amélie, dans les années 2000, je valais 1 million. Ouh là là, c'est tordu. Je dirais Tom Cruise. Oui, Tom Cruise valait 1 million dans les années 2000, alors que Vera Cruz n'avait que 700 000 habitants. Ne demandez pas le rapport, il n'y en a aucun. Colline, je suis quatre fois héroïque. Serena est bien contente de ne pas faire le quiz. Oui. Bon, bah, faut se lancer. Oui. Il faut. Les deux ? Et non, c'est Veracruz. C'est le président du Mexique qui un jour a donné une médaille à la ville de Veracruz en disant qu'elle a été quatre fois héroïque car elle a résisté quatre fois à l'envahisseur, alors que Tom Cruise, on le sait, est beaucoup plus héroïque que quatre. Ah. Et oui. Amélie, j'ai toujours été catholique. Je dirais Veracruz. Oui, c'est Veracruz. Oh. Car Tom Cruise est maintenant scientologue, ce qui n'a rien à voir avec le catholicisme. Colline, mon nom vient du mot croix. Veracruz. Et non, les deux. Ouais, mais... Ah, j'ai l'explication. Alors, bon, Veracruz, c'est pas compliqué. Hein, on est d'accord, Veracruz. Mais Tom Cruise, Cruz, ça vient de cruisen en néerlandais, qui veut dire croix. Et oui, on apprend en s'amusant. Amélie, j'ai joué avec Burt Lancaster et Gary Cooper. Ça souffle de partout. Mais est-ce que ça souffle ? Bonne réponse. Juste. Donc Burt Lancaster et Gary Cooper. Tu peux reprendre la question ? Oui, je peux reprendre la question. Est-ce j'ai que joué, tu peux ? J'ai joué avec Burt Lancaster et Gary Cooper. Je dirais Veracruz. Oui, c'est Veracruz. C'est le nom du film qui s'appelle Veracruz. Et pour terminer, une dernière question pour Colline. Je suis très fort en football américain. Tom Cruise ? Et non, aucun des deux. Oh c'est Terry Crews qui est fort en football américain. Alors, non, c'est pas possible. C'est Tom Cruise, Veracruz ou les deux. Oui, je suis pas d'accord. Je vais lancer le jingle du quiz. Remboursé. Merci. Et voilà. Attends, moi je m'occupe de la logistique, oui, et deux secondes. La Serena est préposée à la désinfection des micros. Alors, je ne sais plus où on en yes. est. On en est où ? Ah oui ! Retour sur le Cruisemeter. Ah ouais, bah attends, j'ai un jingle pour ça. Ah ! Oui, c'est bon. C'est l'heure du Cruisemeter. N'importe quoi, des jingles toutes les deux secondes, ça veut rien dire. C'est bien, c'est trop bien. C'est bien. Alors, le cruisomètre, est-ce que tu peux expliquer le cruisomètre ? Alors, les cruisomètres, comment vous expliquer ? On ne sait pas trop, c'est une note entre 0 et 100% qu'on donne, Paulin et moi, au film de Tom Cruise qu'on regarde. Comme si on était sa mère ou son père, qu'on va au cinéma, on dit ah, pourquoi t'as fait ça ? Ou ah, super, mon fils, c'est très bien. C'est ça, plus ouais, ou moins. Oui, à peu près, c'est ça. Entre l'émotion et les jugements critiques. C'est pas ouais. forcément le film. Le film peut être très mauvais, mais on se dit oui, c'est très fort pour sa carrière et c'est bien, voilà. Il a bien joué, on est très content. On est très content. Et l'inverse. Oui. Vice versa. Et ça veut pas, c'est pas forcément relié si on a aimé ou pas les films. C'est ça. Oui. Après, il s'avère que ça joue quand souvent, même. Souvent, ça joue. Alors, du coup, on a vu 11 films cette année. Oui. Saison. On a déjà donné les notes hein, dans les podcasts et tout. Excuse-moi, j'ai un rototo de prof. Ça arrive de plus en plus souvent. Ça arrive à chaque épisode. Normalement, je peux les couper, tout ça, et vous les entendez. Bon, là, vous le savez. Voilà. Du coup, on a 11 films. Vous les avez, pour les gens qui sont là, pour les gens qui écoutent le casque, vous ne les avez pas devant vous, mais ils sont sur le tableau. Et on les a reclassés, du coup, au vu de notre moyenne de cruisomètre. On s'est arrangé un petit peu avant de reprendre, là, comme on a fini les années 80, on a un peu harmonisé parce qu'on s'est rendu compte qu'on a été très très injuste avec certains films, ouais, très généreux avec d'autres. Du coup, on a un petit peu harmonisé à quelques pourcentages près. Oui. Voilà. Et du coup, nous avons un classement des meilleurs films de Tom Cruise. Le film le plus claqué au sol. Car on n'aime pas du tout. 6%. Rendez-vous compte, 6%. C'est la moyenne. Hein. C'est moins que Benoît Hamon. C'est peu. 6%, c'est un film de Roger Donaldson, c'est Cocktail, qui est élu film le plus claqué des années 80 pour nous. Oui. C'est parce que j'ai été gentil avec les jeunes, tu vois. Ouais, et voilà, on a sauvé Cocktail. Deuxième film le plus claqué. Donc dixième dans notre classement. Dixième dans notre classement, c'est Losing It. Ne le regardez toujours pas. Non, c'est pas pourri. C'est pas bon. Non. Après, vous pouvez commencer à regarder, mais ça vous risque des périls. Avec 18%, vous pouvez, mais c'est pas conseillé, regarder Legend. Oui, c'est conseillé, Legend. Kitsch est un peu nul, mais kitsch quand même. Kitsch, mais kitsch. Pas mais raciste, déjà. Ouais, c'est un peu goblinophobe. Goblinophobe. Oui. C'est la seule incursion de Tom Cruise dans le fantastique. Quand même. Et il n'est plus jamais revenu. C'est vrai. Posons-nous les bonnes questions. Et ça a fait un four total. Ouais. Voilà. Et pour info, du coup, 18%, c'est la moyenne. Serena avait mis 30%, ce qui est énorme. Rendez-vous compte, 30%, c'est énorme. J'aime bien. Ouais. Moi, j'avais mis 6 pour compenser un peu le truc. Bref. Après Legend, nous avons The Outsider. Ouais. Alors, c'est pas bien, tant le film, le film est bien, mais Tom Cruise fait pas grand chose dedans à part un salto. Et deux saltos arrière. Et il mange de la glace et c'est dégueulasse tout le visage. Voilà. Mais est-ce que ça suffit pour aller plus loin que 19,5 pour un cruisomètre? Et j'hallucine quand même qu'il soit plus haut que Legend quand même. Moi, non, ça va. Je me dis bien. Wow. Alors après, nous avons deux ex-aequo à 36%. Et c'est. Excusez-moi. All the Right Moves, l'esprit d'équipe en français. Pas mal. Un film sur le football américain. Et Risky Business, le film qui a lancé la carrière de Tom Cruise. Nul. Que Serena a bâché très, très fort. Bas. Très, alors, très c'est bas. Très important pour sa carrière, mais on ne va pas se battre. Mais en tant que mère de Tom Cruise. Oui, tu n'aurais pas approuvé. Pas approuvé. Bah non, c'est clair, c'est pas Jojo. Et après ça, on va commencer à arriver gentiment vers le podium. Là, on est dans le top 5. Oh. Si je dis pas de. Oui, cinquième, Taps. Taps, trop bien. Très, très bon. Très bon film, regardez-le. Ça a pas. En fait, l'impact de Taps, c'est surtout les réalisateurs qui l'ont eu. Le public, pas trop. Non. Mais beaucoup de réalisateurs disent nous, on l'a repéré avec Taps, en fait. Et on le trouvait déjà très fort. Donc, voyez-le, c'est quand même un chouette film. Ouais, le film, il est trop bien. Après ça, quatrième, nous avons La couleur de l'argent, The Color of Money, avec Paul Newman. Ouais. Mais ça, c'est beaucoup grâce à Paul Newman aussi. Oui. Ouais, mais après, il a un rôle qui est super chouette. Déjà, il tourne avec Scorsese, qui est cool. Et il a un rôle qui est super bien. Ouais, il est trop bien. Il est trop fort. Et maintenant, le podium. Numéro 3. Avec 70%. Top Gun. Et ouais. Ouais. Et on est obligé de le mettre très haut, même si c'est pas un film foufou. Ouais. Mais c'est moins pire que ce qu'on pensait. Oui, et en plus, on a trouvé des théories super intéressantes autour des Top Gun qui nous ont fait beaucoup apprécier les films. Ça. Et on avait une invitée du coup sur l'épisode qui du coup a été convaincue par et en cours d'épisode a complètement viré son vote. Elle a dit non, c'est génial en fait. Enfin, bah, c'est génial, mais elle a. Et c'est bien. Elle a dit c'est bien. Elle a dit finalement c'est bien. Ouais. Voilà. On l'embrasse. Merci Marilyn. Merci Marilyn. Et du coup, le podium, enfin les deux premières places, numéro 2 et numéro 1 en fait, les deux ex-aequo en tête. C'est foufou, c'est un peu l'école des fans. Bah oui, mais c'est nos chouchous. Nos chouchous, c'est les deux derniers des années 80, c'est Rain Man et Né un 4 juillet. Ouais. Pardon ? J'ai pas entendu. Ah ouais, j'avais pas. Oliver Stone. Super, très très beau film. Et ça, on vous les conseille vraiment. Et c'est vraiment les deux films où déjà il a le plus de trucs à jouer intéressants, où il joue vraiment bien. Et en plus, c'est un peu la lumière à la fin du tunnel. C'était vraiment les deux derniers films qui nous ont dit ah, trop bien. Et peut-être de ça, un peu de subjectivité, de enfin, on avait des vrais films à regarder. Très bien. Rain Man, tout le monde l'a un peu derrière la tête, mais on oublie qu'il est vraiment très très très bien. Même en parlant, on avait envie de pleurer. Donc, pour vous dire les niveaux. Et Né un 4 juillet aussi, vraiment exceptionnel. Tom Cruise particulièrement. Mais... Et ouais, bah, il est sur tous les plans de tout le film. On vous conseille aussi, il y a un 4 juillet. Waouh, c'est cool. Bah ouais. Le premier film. Ça okay. fait plaisir. Et ça correspond aussi au fait que ce soit du meilleur film au moins bon film à peu près. Non, pas tout à fait. Bah, pas quand même pas loin. Ouais, pas loin. Bah, Top Gun serait plus bas si on considérait le film en tant que film. Oui, oui. Voilà. Du coup, on va se faire un petit quiz encore ou... Alors là, on va faire un quiz. Attention, quiz. Ah, c'est moi contre le public en plus. Quiz. On va l'avoir rincé ce générique. ça vient marcher. Alors là, le principe, c'est que vous allez être tout le public contre Serena. Et là, c'est le moment. On va voir si vraiment, parce qu'en fait, depuis le début, on dit ouais, Tom Cruise, mais on n'est pas des vrais fans parce qu'on connaît pas tout de Tom Cruise. On se renseigne au fur et à mesure. Et par exemple, Serena, dans les années 80, on n'avait vu aucun de ses films. J'ai la rédemption là, j'ai tout vu. Oui, maintenant t'as tout vu, voilà. Mais avez tout vu. Du coup, on va pas dans les conventions de fans de Tom Cruise, par exemple, parce qu'on sait qu'il. Tu vois, c'est chelou. Bref. Et, du coup, le ça, principe, vous allez entre vous. Vous êtes une équipe maintenant. Vous allez désigner un chef porte-parole qui va venir au micro qui donnera votre réponse. On va faire des répliques de films. Donc vous avez la liste pour vous aider. Serena a sa mémoire pour s'aider. Donc des répliques de films. À chaque fois, je vais donner un indice et vous pouvez décider soit vous prenez la main, soit vous la passez à Serena et elle se débrouille avec ça. Si on répond juste, on gagne un point. Si on répond faux, on perd un point. Tu vois la pression un peu. C'est tout perdre. Mais non, tu vas pas tout perdre. Et vice-versa, etc. jusqu'à la fin. Sachant que c'est des répliques de films, pour corser un peu la chose, elles sont pas en anglais, elles sont pas en français, elles sont en anglais traduit en français par Google. Non, sérieux? Oui. Bah si. Bah ok. Après, donc il faut dit, déjà faire la traduction. Et c'est là que je me suis rendu compte que Google a fait des gros progrès. Parce que c'est lisible. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Mais il faut quand même les traduire dans sa tête et les rétroduire en français par la suite. Bon, peut-être. Peut-être. Ok. Qui veut être les porte-parole Moi je bois un coup pendant que tu... Ouais. Quelqu'un veut... Allez, vous voulez me battre? Viens, viens. Je te laisse... Viens, viens, au micro. Non, on a besoin quand même de l'entendre pour l'enregistrement. Oui, sinon ça marche pas. Mais tu peux t'approcher du public. Juste, je te laisse désinfecter ton truc avec mon lingette. Oui. Parce que maintenant... Faut dire si c'est une réplique d'un des films là. Oui. Ouais, c'est, tu choisis oui, voilà, un des films, mais tu peux te consulter, puisque moi, soit c'est moi qui réponds, tu peux consulter avec le public. Il faut que tu parles vraiment dans les micros quand même. Bonsoir, allô. Voilà. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Christine. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Tu aimes Tom Cruise? Arrête. J'espère que c'est moi. Enfin, nous, on va te tuer. Est-ce que tu aimes Tom Cruise? Ça dépend. Grave, prochaine question. Non, il a dit ça dépend, ça c'est dépend, le premier. C'est oui. Ah mince, je m'attendais pas. Alors, ça dépend de quoi? Ça dépend des films. Ouais, okay. Ouais bon. J'avoue. Ouais. C'est pas faux. Top Gun, tu aimes ou pas? J'ai pas de souvenir de Top Gun, c'est flou. Ah, c'est flou. Je me rappelle, moi j'avais beaucoup aimé Cocktail quand j'étais enfant, parce que j'avais 10 ans. Oui, bah voilà. Mais bah voilà. Ça marche pas en fait, tu t'en rendras compte. Je l'ai pas revu. Voilà, t'as bien fait. Mais tu vas voir à quel point c'était glauque et en fait comment tes parents ils t'ont pas protégé de ça, c'est quand même assez fou quoi. Ah bah, non mais c'est vrai, y a beaucoup parce à dire, il est hyper dur, il est hyper violent en fait. Bon, j'arrête. Pardon. Mais non, c'était bien. C'était bien. Alors, attends. Donc, tu dois donner un indice et après, alors, je dis, voilà, Christine, public ou moi. Alors, je vais donner un indice. Ah, oui. Il y a un lien avec la réponse globale de le film. Ah. Tu choisis, soit tu prends la main et je te pose la question, soit tu donnes la main à Serena. Qui, si elle se trompe, perdra un point. Si elle gagne, par contre, marque un point. C'est assez clair? Okay. Oui. Alors, je vais prendre. On va démarrer comme ça. Indice. Pour Christine? Pour Christine. Cœur. Indice, c'est cœur, l'organe. Tu vois, le machin. What? Vous choisissez, soit vous gardez, soit vous donnez la main. Cœur, c'est coeur. Tout. L'indice, c'est cœur. Est-ce que vous avez envie ou... Les indices seront toujours aussi flous. Hein, ah ouais, quand même, tu n'aides pas là. Ah non, mais c'est... Bah, je pensais qu'il y aurait plein de fans de Tom Cruise. On laisse la main. On prend la main. Prends la main, c'est parti. Alors attention, vous êtes prêts. J'ai peur que tu casses mon cœur. J'ai peur que tu casses mon cœur. On a un Redman ici. Elle a l'air convaincue, madame Sarayman. Ah, j'ai peur que tu casses mon cœur. C'est chaud, hein. Ah ouais, c'est méga chaud. Ça pourrait être Top Gun aussi. Hein. Vous parlez plus, il faut parler plus fort. Dans Top Gun avec l'actrice qui l'entraîne. Là. Okay. Vous la voulez en anglais ou vous êtes bon? I'm scared that you broke my heart. I'm afraid you'll break my heart. Ah oui, bien sûr. Du coup, vous dites quoi? Ah ouais. Le public dit Top Gun. Et le public a tort. Non. Oh là là, je vous ai dit. Alors qu'en fait, c'était Legend. Ah, sérieux? Et ça a été dit dans le public, c'est beau. Mais oui, c'est une des rares répliques qu'il a. Parce qu'on rappelle qu'il passe son temps à genoux à rien. C'est vrai qu'il dit pas grand chose. T'as pas choisi les répliques les plus simples, quand même. Ok. Bon, j'ai un point. Merci, le public. Non, eux, ils ont moins. Hein. Toi, t'as zéro, c'est ok. C'est pas moi qui va donner un point. Tu vas pas me donner un point. Non. Okay. Okay. Ok. Allez, Serena, oui. Indice. Dactylographie. Ah, je prends. Voilà, c'était ça le risque, mais bon. Vous n'êtes pas Dieu, juste un professeur de dactylographie. All the right moves. All the right moves. Et vous voyez comment c'est une championne. C'est une championne. Ouais, ça vous. J'ai une remarque. Elle était un peu simple. Serena a vu tous ses films récemment. Oui. Mais vous êtes très nombreux. Récemment. Non, c'est tout. Oui, non, mais voilà. Mais du coup, c'est. fallait faut bosser. Écouter les podcasts. Vous savez, vous avez plein de. Ah ouais, nous on a bossé du coup. Alors. Nous, on est le public. Après, vous êtes. Christine, attention. 20 contre 1. Indice. Besoin. Je vous conseille de le prendre. Facile. Il conseille de le prendre, Paulin. Il a dit. Sérieux? Ah! Prenez. Est-ce qu'on fait, on leur fait confiance ou pas trop? Si. Non, mais, ouais. Ok, ouais. On prend. Vous prenez. Je sens le besoin de vitesse. Top Gun. Je sens le besoin. Ça pourrait être un besoin piège, hein. De vitesse. Après, on peut répondre Top Gun à toutes les questions. Oui, oui. À un moment, ça va marcher, c'est sûr. Ça dit quoi? Vous dites quoi? Alors, dans le public, ça dit Rain Man, ça dit Top Gun. Mais ça, vous la voulez en anglais? Vous la voulez en anglais? Ouais. Oui, s'il te plaît. Alors, I feel the need for speed. I feel the need for speed. Top Gun? Bah oui. Ça finira par marcher. Hein. Non, mais à force. Alors, le public dit Top Gun. Et le public marque un point. Ouais. Bravo. Bravo le public. Serena. Oui. Attends, je choisis pour toi un peu quand même. Ouais, vas-y. Devoir. Ouais, vas-y, je prends. Pardon. T'es trop tranquille, quoi. Je sais pas, j'ai un doute. J'ai vu mon devoir et je l'ai fait. I see my duty and... Hein? Ouais, c'est ça. I saw my duty and I did it. Oh God. Maudit. Ça peut être des militaires, ça. Mais tu laisses ou tu prends? Non, là, j'ai déjà pris. Ah, pardon. Ouais, Serena va tout prendre, tu vois. Non, c'est pas Top Gun. Si? Mais les départs. Les écoute pas, ils sont pas avec toi. T'es avec moi, t'es contre moi. I see my duty. I saw my duty and I did it. Fuck off. Je sais pas. Il t'en reste encore pas mal. Ça pourrait être... Un indice? Devoir. Bon, Taps. Taps, allez, c'est notre championne, bravo, le Punto. Ah, cool! Militaire. Alors, Kristen. Oui. Public. Indice. Levier de vitesse. What? Ça... On prend. Ah, on prend. Ouais, on prend. Vous prenez. Elle était morte en haut du levier de vitesse. Pardon. On peut l'avoir en anglais? Bien sûr, vous pouvez l'avoir en anglais. She was dead on top of the gearshift. The gearshift? Gearshift. Qu'est-ce que c'est, les leviers de vitesse? Et dans une voiture, tu sais, le... pour passer les vitesses. Ah. Alors après, quand même, pour vous rassurer, il y a une réplique par film, donc ceux qui sont déjà passés ne repassent pas. Elle était morte en haut? Elle était morte en haut du levier de vitesse. She was dead on top of the gearshift. Okay. C'est la scène où il y a la... Bien, elle a écouté le podcast, Marie. On pense avec le public que c'est Risky Business. Et non. Non. C'était Losing It, parce que c'est une blague de très mauvais goût qui parle d'une femme qui... levier de vitesse. Vous avez compris. Ah, trop moche. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais dit aussi Risky Business. Les leviers de vitesse, j'avoue. Mais morte. Ouais. Eh oui. Je suis perdu, mais je m'y retrouve, tout va bien, on en est là. On temporise. Serena. Quiz. Indice. Apocalypse. Je prends. Elle prend. Apocalypse. Qu'est-ce que tu as là-dedans? L'apocalypse. Sorti du contexte, ça fait toujours bizarre les répliques de ton pose. Qu'est-ce que tu as là-dedans? L'apocalypse. Qu'est-ce que tu as là-dedans? L'apocalypse. Est-ce que je peux l'avoir en anglais, s'il vous plaît? Vous pouvez l'avoir en anglais. What you got in there? Doom. Doom. T'as dit une réplique par film, t'es sûr de ça? Oui, je suis sûr. Donc c'est pas Legend. Non, c'est pas Legend. Doom. Essaye de perturber dans le public. Doom. Ouais. Aïe. C'est très radiophonique ce qu'on fait. Hein. Oui, pardon. Allez. Rain Man. Ouh là là, n'importe quoi. N'importe quoi, je sais pas. C'était The Color of Money, la couleur de l'argent. C'est le... quand il a sa nouvelle queue de billard, il lui dit, mais qu'est-ce que t'as dans cette boîte? Il lui dit, l'apocalypse. Genre... Oui, parce qu'il a la balabouchka. La balabouchka. Écoutez l'épisode. D'accord. Enfin, bon, écoutez-les tous. alors. Allez, pour le public. Donc, t'as pas eu de point, t'as un moins 1, Serena. Bah, moins 1. Non, j'avais fait 2 plus 1. Oui, mais, oui, mais j'ai pas fait le décompte encore. Ah, okay. Du coup, t'as 1. Ouais, voilà, t'as 1. Le public a moins 1. Public, indice. Pluie. Pluie. Vous prenez ? Oui, on prend. Ouais, la pluie, c'est beaucoup comme la douche. Tu es un peu mouillé. Ça sent le piège en même temps. Vous la voulez en anglais ? En anglais ? En anglais, s'il te plaît. Well, the rain is a lot like the shower. You get a little wet. Ce qui est exactement la même chose. Ouais, la pluie, c'est beaucoup comme la douche. Tu es un peu mouillé. Ça sent le piège à con et en même temps. Non, ouais, moi, je crois pas. C'est piège, c'est pas piège. C'est piège ou pas piège, vous dites quoi? Qu'est-ce qui reste? C'est pas piège, c'est Raymond. Cocktail, ça n'a pas été dit encore. Si, je sais plus. Non, ça n'a pas été dit, cocktail. Ah, la cocktail. Ah putain, je sais pas. Mais non, j'ai les doutes. T'as les doutes, bah oui. C'est pas les répliques les plus connues en plus, mais bon. On tombe dans le piège? Vous tombez dans le piège? Vous tombez pas dans le piège? Tu dis non? Tu dis si? Je sais pas. En même temps, moi, je sais pas, hein, ne me regardez pas. Moi, j'ai dit ce point-là. Ouais, la pluie, c'est beaucoup comme la douche, tu es un peu mouillé. Il me faut une réponse. Well, the rain is a lot like the shower. You get a little wet. Mais est-ce que tu peux nous donner l'intention? Non. Ah, mais c'est ça les problèmes. Mais après, je vous fais quoi? Je vous passe l'extrait. Rain Man quand même. Vous donnez la réponse? Alors. On n'a rien à perdre, Rain Man. Oui! Ouais! C'était un contre-piège. Mais oui, parce qu'ils sont bloqués pendant 3 jours parce qu'il ne veut pas conduire quand il pleut. Et Tom Cruise, je crois qu'il lui dit énervé, non? Voilà, c'est ça. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec la pluie? Pourquoi on ne peut pas... Oui, bah, il dit, la pluie, c'est comme la douche, t'es mouillé. Et en gros, il n'aime pas. C'est bon? Très belle réplique. Bah, bravo, quelle poésie. Le public revient à zéro. Tout va bien. Yeah. Serena, Non. Je vais te faire un truc. Ah, allez. Indice. Vêtements. Vêtements, comme des vêtements, tu vois, des pantalons. Oh my god. Allez, ok. Tu prends. Je déteste te dire ça, mec, mais tu dois porter des vêtements pour travailler. Il y a une loi ou quelque chose. Pardon. Je la refais. Je déteste te dire ça, mec, mais tu dois porter des vêtements pour travailler. Ah. Il y a une loi ou quelque chose comme ça. Peut-être cocktail, non? Tu dis cocktail? Ouais, j'ai dit cocktail. Et c'est moins un point. Ah non! C'était The Outsiders! Ah, The Outsiders, ouais. Parce qu'il est tout le temps torse nu et à la pompe à service, il lui dit il faut que tu mettes des fringues. Oh, putain. Mais c'est lui qui le dit ou c'est quelqu'un qui lui dit? C'est lui qui le dit. Alors, je sais plus. Du coup, je suis à moins 1. Non, 0. À 0. On me demande des films qui ne sont pas passés. Oui, je vous les donnerai une. Alors, il y a comme film qui n'est pas passé, il y a Cocktail n'est pas passé, il y a Born on the 4th of July n'est pas passé, et il m'en manque un, je crois. Il me manque. All the Right Moves. Non, All the Right Moves est passé, et Risky Business n'est pas passé, voilà. Donc, Cocktail, né un 4 juillet, et Risky Business. Exactement. Ok, alors, ça réduit. Public, indice, oui. Parler. Le verbe parler, ce qu'on est en train de faire. On prend. Le public prend ? Mmh. Le public prend. Parler est surestimé comme moyen de résoudre les disputes. C'est trop nul, le vrai. Vous avez pris. Cocktail. En anglais. Ah oui, en anglais. Talk is overrated as a means of resolving disputes. What ? Vous n'auriez pas dû demander en anglais. Après, c'était pas la plus simple. Je me rappelle même plus les 3 films. C'est une espèce de sang. Il reste Cocktail, né un 4 juillet, Risky Business. Risky Business. Alors. C'est une espèce de sentence jetée comme ça, comme ça arrive beaucoup dans le film. Indice. Ça pourrait faire Cocktail aussi. Alors. Je vais peut-être mettre une petite musique de fond pour meubler tous ces silences. Les moments de réflexion. Alors. Attends, là, il y a... Il y a une grosse discussion. Il faut parler plus fort, s'il vous plaît. Il y a une discussion entre Risky Business, ouais. Né un 4 juillet, oui. Et Cocktail. Oui, c'est bien, c'est ça. c'est les trois qui restent. Bravo. Cool. Vous avez une chance sur 3. Franchement, ça se... Qui dit Cocktail? Oui. En anglais. Oh. Je la refais en français. Parler est surestimé comme moyen de résoudre les disputes. Talk is overrated as a means of resolving disputes. Alors, qui est... peut-être on va voter, non ? Le public va voter. Qui vote C'est nous le public, alors attention. Non, mais je sais pas. Mais c'est ce que t'as dit, toi. Ouais, voter, c'est bien. Allez, alors, c'est parti. Cocktail. Je vais devoir couper dans tous les sens. Cocktail. Moi, je dis cocktail. Cocktail. Ah, deux cocktails. Trois, quatre. Quatre ? Ok. Qui dit risky business ? Oh, cinq, six. Et qui dit René un 4 juillet ? Un, deux... De... Donc le public dit risky business. Le public dit risky business. Le public, vous auriez jamais dû faire de la démocratie parce que c'est faux, c'est cocktail. C'est la vie. Mais ouais, c'est, quand... c'est quoi la scène ? C'est quand il se prend la tête ou pas ? C'est quand tu parles avec son collègue toxique au bar et qu'ils sont en train de faire le match de basket, je crois. Mmh. Oh, mais vraiment, t'as choisi des répliques. Oui. pas c'est à toi, Serena. Ah, ouais. Serena, j'en avais une qui était très bien pour toi. Bah, soit, du coup, c'est la dernière, on est d'accord. Soit, après, non, après vous avez un 4 juillet. Ah oui, ah ouais, c'est sympa. Non, mais c'est sympa. Serena. Ouais. Indice. Crotte de chien. Est-ce que tu prends ou est-ce que tu donnes ? Je prends crotte de chien. Comment je pourrais passer ? Les femmes de collège peuvent sentir l'ignorance comme une crotte de chien. Belle phrase, hein. Ouais, c'est risky business. C'est risky business. College ouais. Women can smell ignorance like dog shit. Wow. C'est risky business. C'est l'ami prostituée de Tom Cruise. J'ai perdu son nom. L'ami prostituée. Rebecca de Mornay. Enfin, Rebecca de Mornay. Qui lui dit ça ? Lana. Lana. Tout à fait. Alors attention, public. C'est maintenant. Là. Mais on attention. Sait c'est quoi les filles. Attends. On sait jamais. Il y a peut-être un piège. Ouais. Ah. Indice. Maman, est-ce que vous prenez ou est-ce que vous passez la main ? Je sais pas, oui. On prend, ouais, clairement. Ok. Tu ne dois pas tuer maman. Tu ne dois pas tuer des femmes et des enfants. Tu ne dois pas tuer. Tu te rappelles. C'est pas ce qu'on t'apprend. C'est pas ce qu'ils nous apprennent. Je voulais pas jouer, hein, parce que je sais pas le faire, mais... Born on the 4th of July. Born on the 4th of yeah, July Yeah, baby. Bravo. Et en anglais, Paulin, quand même, tu vas pas t'échapper comme ça. En anglais. Ah, oui. Thou shalt not kill mom. Thou shalt not kill women and children. Thou shalt not kill. Remember, isn't that what you told us? Isn't that what they told us? Bravo, quelle interprétation. Là, t'as mis l'intention en plus. Il fait vraiment comme ça. Bah alors, du coup, vous voulez les scores ou on s'en fout un peu parce qu'en fait. Alors, il y a trois. Oui. Le public est à 0 et Serena est à 1. Ouais! Serena reste la championne! Yes. Parce qu'en fait, si elle avait perdu, elle était remplacée la saison prochaine. Ouais, c'est ça. Oui. Par quelqu'un d'entre vous. Et si on avait gagné, on aurait gagné des magnettes, tout le monde? Oui. Mais toi, tu peux avoir un. Je te le donnerai tout à l'heure parce que maintenant, pour descendre. Mais je vais devoir le partager, donc c'est compliqué. Non, tu le gardes pour toi. Tu leur dis toi. Pas. Ouais, tu leur dis pas que tu l'as eu, le magnette. On verra après. Après, ça marche. On verra après. Merci on verra beaucoup, après. Le public. Vous avez été très merci, très bravo, en tout cas. Brillant. Sans avoir vu les films, je dois dire qu'il y a du niveau. Quiz. Voilà, c'était le dernier quiz de la soirée. Après, on fera un blind test une fois que ce sera fini pour être complètement foufou cacahuète. Du coup, maintenant, on va clore un petit peu. Qu'est-ce qu'on attend des années 90 avec Tom Cruise ? Qu'est-ce qu'on lui souhaite ? Du plus profond de notre âme. Du plus profond, de voilà. Faire de bons films. Faire déjà. Des bons films, déjà, ce serait un bon démarrage. D'arrêter de faire des films qui parlent de viol et d'inceste. Et aussi de prouver qu'il est un vrai bon comédien. D'ailleurs, oui. C'est ce qu'il va probablement faire. Peut-être pas tout de suite, mais il va commencer à faire des. À s'immerger vraiment. Oui, parce que c'est sortir des années 80 où, à la fin, il a une nomination pour les Oscars pour Né un 4 juillet. Bah, confirmer le truc et essayer de trouver des films un petit peu plus originaux que les oui. Premières bouses qu'il a fait. Oui. Ouais. Et peut-être faire un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, pourquoi pas. Pourquoi allez, pas hein. Allez, après tout, un chef-d'œuvre, c'est cool. C'est cool. Moi, j'aime. Trouver l'amour. Oh l'amour, peut-être. Jamais. Spoiler. Spoiler alert. Mais trouver l'amour pour combien de temps ? Pour une décennie, peut-être. Peut-être hey wow. C'est un super teasing. C'est merveilleux. Du coup, après, si, dans quel type de film t'aimerais bien le voir ? Ah, c'est difficile parce que on j'ai les connaît un peu, mais déjà. Là, par rapport à ce qu'on a vu, moi, je sais que j'aimerais bien le voir faire un méchant. Bah moi parce aussi, qu'on sait qu'il on s'est dit. Ouais, un méchant un peu foufou, etc. Bah, méchant oui. James Bond, ce serait drôle ça. Ah, pourquoi t'as pas dit là tout à l'heure? Ben oui, carrément, ça serait trop pas génial. Pas mal un méchant de James Bond. Ah mais grave, ça serait trop fort. Une espèce de mec petit, un peu nerveux qui fout des patates. Il est pas si petit que ça, il fait 1m90, non, 70. 70, pardon. Il est pas petit, 1m5. Mais ça va, 70. Oui, mais tout le monde s'est moqué de lui parce qu'il était petit. Mais 1m70, avec ou sans les chaussures? Sans. Sur Wikipédia, ils disent 70. Ouais, non, mais après, c'est lui qui l'écrit, sa fiche Wikipédia. En tout cas, il fait un super méchant, je suis d'accord. Oui, on est d'accord. Depuis le début, on sait. Bah oui, mais c'est ça, un... c'est les clichés des méchants petits. Ah, il y a des grands méchants. Tu as un requin dans James Bond, il est grand. Et il est méchant. Et il est méchant. Ah oui, il est méchant. Mais il est très très grand, peut-être. Il est très grand, c'est vrai. Bah, voilà. Oui, c'est soit très grand, soit très petit. La taille moyenne, là, 1,80, c'est pas des bons méchants. C'est des moyens méchants. En tout cas, un méchant, ça serait agréable. Et un peu plus, moins les beaux gosses classiques, voisins, sympathiques, les gars que tu voudrais marier avec ta fille, tu vois. Moi, ces personnages-là, je voudrais pas trop le voir là-dedans. Ouais, qu'il arrête de faire le playboy. Mais c'est pas playboy, c'est vraiment, il fait vraiment les gars le de bonne idéal. Famille. Qui... Pardon ? Voilà, c'est ça. C'est un peu chiant, ça, en fait. Ça lui va pas très bien, parce que je pense qu'il n'est pas un gendre idéal. On ne sait pas s'il est très recommandable. Mais c'est un peu... ça lui enlève du jeu. Alors que quand il fait des personnages un peu plus borderline, c'est beaucoup plus intéressant. Tout à fait. Voilà. Est-ce que faire des films d'aventure, d'action... Parce qu'on sait qu'il va un peu finir sa carrière, c'est quand même beaucoup films d'action, quoi. Moi, j'aime bien ces films d'action, bien sûr. Mais c'est pas encore... Peut-être, pas tout pas. De suite, peut-être. On essaie de faire comme si on était innocent, alors qu'en fait, non. Bah, déjà, on a vu qu'il a peut-être déjà commencé à apprécier l'action et c'est pas complètement assumé. Oui. Petit à petit, il va y arriver. Voilà, c'est tout. Non, mais il va y arriver petit à petit. Mais peut-être avant de s'éprouver un peu comme acteur, avant de se lancer dans l'action. Ça oui. serait il a encore sympa. Besoin, de... il est encore en recherche d'Oscar. Ouais, il doit encore essayer d'avoir l'Oscar. Ouais. Est-ce qu'il va y arriver ? Il faudra écouter la saison 2. Ou regarder les films. Bah les non. Deux. Bah si. On sait qu'il l'aura pas. Mais bon, tant pis. Oui, c'est triste. Tout le monde. C'est triste. Ouais. Bon, on va. Je mets un fond musical pour la rigolade. Oh, on est à la fin. Bah, on est à la fin de cet épisode spécial pour fêter les années 80. On va faire tout un tas de remerciements des gens qui nous ont aidés plus ou moins de plus ou moins près, de plus ou moins loin, de plus ou moins bien. Des gens, bah ouais. Et après ça, on refera hors micro un... C'est un peu fort ce que j'ai fait. On fera un petit blind test tous ensemble pour pas s'arrêter sur un truc un peu plombant. Et pour que vous puissiez gagner encore des magnets. Et des autocollants. Et donc on va remercier dans le désordre un petit peu, on va remercier Marilyn qui a été notre première invitée. Oui, trop génial Marilyn, merci beaucoup, merci Marilyn, elle était trop forte, en plus elle a changé d'avis, quand même elle a amené tout un truc, elle a donné une note au chronomètre. Bon. Elle a découvert le pouvoir homoérotique de Top Gun, c'était c'est vrai. Top. On remercie Eric Chouchou pour les magnets et les merci stickers. Merci Eric, trop chouette. Et vous avez gagné ce soir en plus, c'est génial. On remercie Boris pour la magnifique pancarte quand même, parce que sans cette pancarte, vous auriez raté tous les quiz. Ben oui, c'est vrai. Heureusement qu'il était là. Ouais, on remercie Marie pour l'accueil ici, au tracteur. Merci Marie. Trop génial. On remercie Maël, Adrien et ma mère qui sont nos premiers fans. Et qui nous écoutent à chaque fois, ils sont trop choupis. Il y en a des textos vraiment, c'est trop cool. C'est vraiment du love. On remercie après, on remercie le reste des auditeurs quand même aussi, parce qu'il y en a sûrement quelques-uns qui aiment ce qu'on fait et qui trouvent ça cool. Oui, on peut-être. On les aime, on vous connaît pas. On connaît peut-être pas tous nos auditeurs, mais ouais. On les remercie. On vous remercie vous, parce que c'était quand même cool de vous avoir cool, ici. C'est cool, merci beaucoup d'être venu. Et enfin, un grand merci à Serena. Et merci Paula. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve à la rentrée de septembre pour les années 90. On va faire une petite pause estivale pour se reposer. Voilà, ouais. Vous pouvez comme d'hab nous retrouver sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Vous pouvez nous envoyer des mails, nous suivre sur les réseaux sociaux, mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts parce que ça fait plaisir à Steve Jobs, même s'il est mort, on s'en fout. On est hébergé chez PodCloud, qui est un hébergeur français indépendant qui fait du travail très très bien pour les petits podcasts, etc. Donc allez voir ce qu'ils font, c'est super, il y a plein plein de choses, c'est merveilleux. Il y a plein de choses. Regardez du Tom Cruise ou pas. On vous a déjà fait une présélection, là, mine de rien. Si vous arrivez en écoutant cet épisode-là, au moins, ça fait une bonne présélection de ce qu'il faut surtout pas voir. Au moins, les premiers, qui sont les premiers deux qui sont arrivés ex aequo. Oui, voilà, Rain Man est né le 4 juillet. Faut regarder ça. On vous fait des bisous. Et on bisous. Coupe et on revient après pour le blind test. Aouh, merci.